Bolingo oyo biso tokosalaka Christina ezali kaka bomwana oyebaka poso mobimba na bosani kosanola suki naleka wapi ye nazemi lokola mwamwa na ndeke yakwe nasala okisina ngai nalukisi kono adefisanga mosolo na bima na motoyo biloko naliaka te Christina Chante la mort et bientôt ça sera le temps du massacre.